قال المؤلف عليه رحمة الله ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم Donc après, que Cheikh Al-Uthaymeen, il est affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus des cieux, se trouve au-dessus de sa création. Il a affirmé juste après qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien présent également avec ses créatures, par sa science et sa capacité. C'est-à-dire, sa science embrasse tout endroit et touche tout endroit. Tout endroit. Il n'y a pas un endroit qui est exempt d'être touché par la science d'Allah Azza wa Jal. Pareil, la Qudra. Sa capacité s'étend sur toute chose et sur tout endroit. Donc on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous par exemple, de par sa science, ou de par sa puissance, sa capacité. Tamam. Mais son être, il est où? Son être, l'être d'Allah Azza wa Jal. Il se trouve où? Ouais, toi. Là. Ouais. Où ça? Sur le trône. Au-dessus du trône, Naam. Au-dessus du trône, au-dessus de toute sa création. Naam. Donc ensuite, il dit وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحُلُولِيَّةِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ أَوْ وَغَيْرِهِمْ يقال غيرهم وكذلك غيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال. Donc ensuite Cheikh Al-Uthaymeen dit et nous ne disons pas la parole d'une des sectes affiliées au Jahmiyyah qui eux prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent par son être sur terre. Et ça, c'est la croyance qu'ont bon nombre de soufis. Bon nombre de soufis. Jusqu'à ce que certains de leurs méchères, certains de leurs savants et de leurs chefs viennent à prétendre qu'Allah a pris possession de leur corps. Allah a pris possession de leur corps. Jusqu'à Ba'dahum. يقول ليس في الجبة إلا هو. Jusqu'à ce que certains d'entre eux prétendent que il n'y a nulle autre personne dans ce vêtement en dehors de lui. C'est-à-dire en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une croyance qui est répandue chez les soufis. Chez les soufis. Et les soufis, c'est une des sectes les plus répandu dans le monde arabe. Tajidhum fi le Maghreb, l'Arabie, fi le Jazair, Tunis, wa Misr. Tajidhum fi le Yémen, fi Hadramout. Tajidhum fi كذلك fi Mali, fi كثير من البلدان. وهي فرقة ضالة. فرقة ضالة. يعني مبانيها على شرك بالله عز وجل وتعظيم عظماءهم ومشايخهم. Donc c'est une secte qui est répandue dans les régions que nous venons de citer comme le Maroc, l'Algérie, la Libye, le Mali, le Sénégal, même au Yémen, dans la région de Hadramout. Ils ont un QG là-bas. Et c'est une secte qui est dans un égarement évident. Elle appelle à l'adoration des tombes, à la vénération de leur machère, de leur chouyour, rechercher la bénédiction à travers leur machère. Par exemple, pour eux, ils peuvent rechercher la bénédiction dans la salive de leur machère. Pour eux, si leur chir, ils crachent par terre, ils prennent la salive et ils pensent que fiha baraka. Et le fait qu'ils adorent les tombes, kadalik, ça fait d'eux une secte kafira. Kafira. Donc, Shir al-Atemil, il dit, nous, on n'est pas comme ces gens qui prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve par son être sur terre. وَنَرَا أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ ضَالٌ. Et on a la ferme conviction que celui qui croit en cela, qui croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se trouve sur terre, il est certes mécréant ou égaré. C'est-à-dire mécréant s'il le dit après qu'on lui ait fait Iqamat al-Hujja, et égaré s'il dit cela sans avoir la moindre science. Dans tous les cas, huwa fi khatarin 'azim. لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. Pourquoi on dit que c'est un mécréant ou un égaré? Parce qu'il a qualifié Allah Azza wa Jal par des qualificatifs qui démontrent clairement des manquements. Il a qualifié Allah Azza wa Jal par des qualificatifs qui sous-entendent une diminution et des manquements. Or Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-kamil min jami' al-wujuh. Asma'uhu husna wa sifatuhu 'ulya wa af'aluhu balighatun fil kamal. Allah subhanahu wa ta'ala kamil min jami' al-wujuh, la yajuz wasfuhu bima yaqtadi an-naqs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait de tout point de vue. Il est parfait de tout point de vue. Ses noms ont atteint l'apogée de la perfection. Ses attributs également. Ses œuvres, toutes ses œuvres, ont atteint l'apogée de la réussite et de la perfection. Donc il est formellement interdit de qualifier Allah par un quelconque qualificatif qui sous-entend une diminution, qui sous-entend un rabaissement. Non. Wa nu'minu bima akhbara bihi anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rasuluhu alayhi salatu wa salam, annahu yanzilu kulla laylatin ila sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, fa yaqul man yad'uni fa astajiba lahu, wa man yas'aluni fa a'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Et on croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'a informé son messager, Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier cieux chaque nuit. Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier cieux chaque nuit lorsqu'il ne reste plus que de la nuit le dernier tiers. Donc il descend au dernier tiers de la nuit. Et il dit, man yad'uni fa astajib lahu. Qui m'invoque, c'est-à-dire en 16 heures, qui m'invoque afin que je l'exauce, et qui me demande afin que je lui donne, et qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Voilà hadith en azim que maintenant. Et ça, c'est un hadith magnifique. C'est un hadith magnifique qui nous montre la largesse d'Allah Azza wa Jal. Qui nous montre la largesse d'Allah Azza wa Jal. وَمَا مِنْ أَحَدْ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ إِلَّا وَلَهُ طَلَبِيَاتٍ. مَا مِنْ أَحَدْ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ Illa wa lahu talabiyat. Il n'y a pas une créature qui marche à la surface de la terre, ou en son sein, ou dans les cieux, sans qu'elle n'ait de demande à faire. Sans qu'elle n'ait de besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-raziq, huwa al-malik, المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il y a un temps dans la journée, dans ces 24 heures qui défilent, il y a un temps où il répond, où il donne, où il pardonne. Et en vérité, c'est un temps qu'on devrait sur lequel on devrait veiller. On devrait veiller à être attentif en ces heures où Allah subhanahu wa ta'ala il descend et il demande. Hatta fi Ramadan, ya ikhwan. عادة الناس على أن التراويح بعد العشاء استقر الأمر من قرون متعددة على أن التراويح بعد العشاء، لكن ما هو الأفضل يا إخوان؟ أن تكون صلاة التراويح بعد العشاء أم قبل الفجر بساعتين أو ثلاث؟ قبل الفجر بساعتين أو ثلاث، فأنت في ثلث الليل الآخر وتلاقي الله عز وجل وهو يدعو، وهو يقول من يدعوني فأستجيب له. C'est pourquoi c'est avec un petit regret que on constate que la communauté musulmane, dans une grande partie de la planète, pratique la prière du Tarawih après la prière du Isha. Et ce depuis des siècles. Et c'est une bonne chose, ala kulli hal, c'est une bonne chose, mais il y a meilleur que ce temps-là pour accomplir cette prière, surtout pendant Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair. Est-ce que vous remplaceriez une chose qui est bonne ou une chose qui est meilleure par ce qui l'est moins? Et le fait de prier après l'Isha, c'est moins bon que de prier un peu avant le Fajr, d'une heure ou deux, de deux heures ou trois avant le Fajr, parce qu'on est dans le dernier tiers de la nuit. Et dans le dernier tiers de la nuit, qu'est-ce qui se passe, ya ikhwan? Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Sawan kan fi Ramadan ou ghayr Ramadan. Que ce soit fi Ramadan ou autre. Ça veut dire celui qui a pris l'Isha, ensuite il salli tarawih, wa yaruh bayta. Rubama la yalqa hadha al-fadl. ونحن في رمضان بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأمور. فلهذا إذا تيسر في العشر الأواخر أن نطيل القراءة إلى أن ندرك يعني ثلث الليل الآخر، لا سيما في الليالي الأوتار، فنعمة كبرى، ترى نعمة كبرى. C'est pourquoi si Allah y facilite, et avec la permission des responsables, si Allah y facilite qu'on puisse allonger la lecture du Coran pendant les 10 derniers jours, afin qu'au moins on arrive pendant le dernier tiers, on atteint une partie du dernier tiers, c'est une baraka azima. Ce serait vraiment un grand khair, un très grand khair. Donc là, c'est un hadith Ou Mada, où il nous est affirmé comme quoi le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, le fait qu'il descende. Le fait qu'il descende. ثم قال الشيخ ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم الميعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى et on croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala se présentera ou viendra le jour de la résurrection pour trancher entre les serviteurs. عندك يا يونس الله سبحانه وتعالى il viendra c'est un attribut il descend pareil ce sont deux attributs d'Allah عز وجل انت معي tu es d'accord avec moi طيب là si Allah سبحانه وتعالى il descend ou s'il vient pour juger Yom al-Qiyama. Donc forcément, il va se retrouver enveloppé par sa création. Ou il y aura une créature qui se retrouvera au-dessus de lui, comme l'Arche. Ou chez Mindalek. Allez, c'est Kadalek ? Hein ? الله أعلم صاحبنا لا سي لا سي لوكي داب سي لوكي سي الله سبحانه وتعالى il descend تمام سي il descend jusqu'au premier cieux il y a combien de cieux يا إخوان il y en a 7 donc lui si il descend au premier cieux ça sous-entend que les 6 autres, voilà, sont restés au-dessus de lui. Allez, Sakadalek. Kef Tapoul. Allah alam, ahsanta. Ah, Abdul Malik. أحسنتم لله يدرك يا عبد الملك فنحن si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend faut même pas s'imaginer qu'il descend comme descend une créature auquel cas oui on pourra dire que voilà il va être cerné par d'autres créatures Allah subhanahu wa ta'ala il descend avec une descente qui lui convient il vient avec une venue qui lui convient et qui n'est nullement comparable avec la venue de ces créatures. فَنَحْنُ نَقُولُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الدَّوَامِ فِي الْعُلُوِّ عَلَى الدَّوَامِ. On dit qu'Allah سبحانه وتعالى est au-dessus de toutes choses d'une manière éternelle. Jamais il n'y aura une chose au-dessus d'Allah عز وجل. Wa khalas. مفهوم؟ نعم. طيب donc ensuite il dit ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد et on croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala juste avant j'avais lu le dalil comme quoi non ah طيب on revient en arrière alors ولقوله تعالى كلا إذا دك يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم الميعاد قال قوله تعالى لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى أنى له ذكرى pareil ça c'est des versets qu'on se doit de méditer يا إخوان c'est des versets qu'on se doit de méditer Allah subhanahu wa ta'ala nous informe lorsque la terre sera frappée lorsque la terre sera frappée d'un coup et que viendra ton Seigneur ainsi que les anges en rang et que viendra ton Seigneur ainsi que les anges en rang. Sallallahu alayhi wa sallam. Et que l'on viendra ce jour-là avec l'enfer. Yawma idhin yatadhakkaru al-insan. Ce jour-là, l'homme va se rappeler. Une fois qu'il va voir le dunya haqq wa l'akhirah haqq wa madha wa'du Allah haqq, sayatadhakkar. Il va se rappeler de ses œuvres. Wa anna lahu dhikra. Et à quoi lui servira son rappel? فلهذا يا إخوان هذه الدنيا دار يخزن فيه أو يتزود فيها العبد. يتزود فيها العبد لمثل هذه اللقاءات. Donc ce bas monde en vérité c'est une demeure de provision. L'individu en vérité doit prendre ses provisions pour se préparer à cette rencontre là. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. نعم. وقال ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. Et nous croyons aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان. Et nous croyons que la volonté d'Allah azza wa jal, elle se compose de deux. Elle se divise en deux plutôt. La volonté d'Allah azza wa jal, elle se divise en deux. Kawniyah يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له. Une volonté qui est universelle, kawniya. Celle-ci, elle est obligée de descendre, elle est obligée d'être appliquée. Sa volonté, qui est considérée comme universelle, elle est obligée de s'appliquer. À la kulli hal, ça, on va le garder pour demain. La'alla. يأتي الفوائد أكثر وأكثر. تمام؟ وما قال لي سفر دمان إن شاء الله. يلا.